Eh, qui sert? 10 de béton, mon pote. Eh, MTP. 91 et son, amigo. J'parle l'argot, pas de sous-titrage, c'est que de la VO. La concurrence, j'mets à l'amende comme les keufs en vélo. Le monde tourne, j'attends mon tour et j'fuck mon tool. Dédicace mon jumeau, SPY à mon double. C'est mon seum, ma vie tous les jours que je déchante. Rien à foutre de passer pour une caille aux yeux des gens. J'écris pas de poèmes, j'mène pas une vie de bohème. Vis ma vie une journée, t'auras du mal à faire de beaux rêves. Il se pourrait que j'finisse multimilliardaire. Mais à cette heure-ci, la galère bouge mes artères. Bientôt 2008, les carottes sont cuites. Dans le trou du cul du monde, t'inquiète, j'ai mis de lui. Par les soucis, j'suis assailli, j'balance des rimes sales. J'essaye de prêcher la bonne parole comme Karim Saïd. J'viens du 9-1, mais j'veux que mon son touche d'autres zones. J'suis pas un couche d'ozone et j'enfume la couche d'ozone. J'ai la tâche comme un mois d'août, les Yankees qui m'amadouent. Hey, j'les envoie faire un stage à sans aucun doute. C'est la nique pas si j'nique pas quand j'taffe pour 4000 balles. Quand j'graille des gros nibards comme un cannibale. Tu veux l'oseille, c'est soit le charbon ou la manu. Tu veux le respect, arme-toi au but d'un mec à main nue. Disant quand il faut, avec les faux, je suis intransigeant. Je vais pas squatter mon hall jusqu'à 36 ans. C'est cru même si on m'enferme au frais. Plus rien de logique, les mecs te disent vas-y nique ta mère mon frère. C'est la sécheresse dans les chevaux. Jeune pauvre, je garde la chevet. J'aime frotter ta meuf sur du John Paul. Joue pas le canard ou tu vas te prendre des bananes. Hey, je porte pas dans le chicabana, moi je suis un gars de Paname. Je navigue en nos troupes, représente nos troupes. Écoute le scoop pendant que les suceurs m'écoutent le zbook. Ambiance Kairap, Kaira qui veut de la caillasse. Je peux plus me contenter de quelques scalabs. Donc je galope jusqu'à l'eau. Je suis un cabo crado. Je te baisse sur le capot. Je veux grimper sans escabeau. Je suis qu'un enfoiré plus qui boit de la vodka Red Bull et qui gratte les meufs à l'arrêt de bus. Baisse les Yankees qui font des chromes. J'ai les crocs. Je ramène la rue sur disque comme négro. J'arrive sauvage comme le viol d'une fliquette. Comme mes potos, je viens baiser la France à l'africaine. Je suis cricket. Je veux être friqué comme Rothschild. Rechigne pas si tu me vois grimper comme les tarots de shit. Pas de paradoxe, j'suis pas un tox, pas dick. Les faux vont déclarer forfait comme Papadoc. Pareil que t'as somme mais t'es pas le seul. Le mauvais œil te guette et les faux frères t'es ma ta sœur. Tu vas visiter mon coffre, mon truc c'est fuck les keufs. J'décarcasse les poulets comme Jean-Pierre Coff. 80 degrés sud on a du somme graisseux. C'est pour mes taulards qu'attend de la grâce et rêve de gros seins. Qui sert sa mère, j'viens de la banlieue de Paris. Fuck tes soirées pourries, j'frotte ta meuf même si tu peuras. J't'apporte du lourd même si j'suis tout mince. J'ai pas le temps, j'arrache les parcs comme un roumain. Comme un roumain mon pote, qui sert. Ça à l'époque, MDP, Scélérat, OCP. On est là, 91, disque de béton mon gars.